les bruits-bruits, les cases d'alcool calamiteux, les bières sales, le bière aigri, le nuage et le fumée, flottant sous le plafond jauni, le steak dur vite avalé, et les légumes vite vomis. Avec son goût d'eau usé, les rêves devraient tartare à la viande avariée, les choucroutes ratatinées, le vin d'homme qui fait des trous, les sardines trop huilées qui imbibent le pain mou. Pour consolider mon bonheur, c'est simple autant que c'est beau, c'est parfumé et succulent, rien n'égale la viande d'agneau, de près salé, de boisson. Rien n'égale la viande d'agneau, de près salée, de boisson.